Petite prière sans prétention. Notre Père qui êtes aux cieux, ô là-haut, infini qui êtes donc si inconcevable, donnez-nous notre pain quotidien, ô plutôt, laissez-nous nous asseoir un peu à votre table. Dites, nous tenez-vous pour de pauvres enfants, à qui l'on doit encore cacher les choses graves, et votre volonté, n'admet-elle qu'esclave, sur cette terre comme au ciel? C'est étouffant. Au moins, ne nous induisez pas, par vos sourires, en la tentation de baiser votre cœur, et laissez-nous en paix, morts au monde meilleur, paître dans notre coin, et forniquer, et rire. Paître dans notre coin, et forniquer, et rire.